Niomungeri. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition à langue française dont voici les principaux titres. Plus de 200 maisons sont déjà détruites par des pluies torrentielles en une semaine en commune Manda de la province de Bubanza. Les propriétaires crient aux âmes charitables. Et dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension ce samedi à mairie de Bujumbura. Le directeur adjoint du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles révèle que le diabète est une maladie chronique et silencieuse. Et les employés contractuels de l'hôpital communal de Zandane sommet dans la province de Bururi réclament leur salaire de 3 mois. Et après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, plus de 200 maisons sont déjà détruites suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues en province de Bubanza, surtout en commune Manda, dans une semaine. Et les propriétaires demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administrateur de Manda, Nadine Nibitanga, indique que plus de 40 maisons et une salle de classe ont été endommagées en une seule journée de jeudi sur la colline Gawazi 2, alors que ce vendredi, une dizaine de maisons et une église ont été détruites sur la colline Boutembe de la même commune Manda. Et je vous le disais tantôt aussi, dans la province de Bubanza, on reste dans cette province de Bubanza pour parler du manque de matériel scolaire, le manque d'enseignants et des bancs pupitres et aussi des salles de classe. Ce sont les principaux défis qui causent souvent l'échec scolaire en commune Gihanga de la province de Bubanza. Le directeur communal de l'enseignement l'a déclaré ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant dans cette commune. Il rappelle également les enseignants à travailler conformément à la loi, n'est-ce pas, Suez Caritas Cavagnan? Lors de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant en commune Gihanga ce vendredi, le directeur communal de l'enseignement à Gihanga a montré dans son discours certains défis qui font que cette commune soit régulièrement dernière au niveau provincial au concours national de 9e année. Entre autres, le manque de matériel scolaire de la 5e année jusqu'à 9e année, le manque d'enseignants, le manque de bancs pupitres et de salles de classe devant le nombre croissant des enfants, surtout dans les classes de première année. Bonaventure Ndaiziga, directeur communal de l'enseignement, apprécie cependant le geste posé par certains bienfaiteurs qui ont donné environ 2000 bancs pupitres cette année scolaire. C'est un actif qui est passé par Sinerac, l'État du Burundi ainsi que la commune Gihanga qui a donné 180 bancs pupitres. De son côté, le directeur provincial de l'enseignement apprécie le pas déjà franchi par cette commune qui a été quatrième au concours national de l'année passée, alors qu'elle était régulièrement dernière. Claude Badougalice, directeur provincial de l'enseignement, tout comme Nicodème Varanyanga, qui représente les syndicats, appelle les enseignants à travailler conformément à la loi. Spescaritas Kavanyana, Banza, Radio Isanganiro. Merci Spécie Caritas Kabanyana et les soumissionnaires gagnants des marchés publics en province Rumonge qui n'ont pas encore honoré leurs engagements doivent être poursuivis en justice. C'est l'avertissement de Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumonge, qui déplore la non-exécution du marché de fabrication des bancs pupitres, pérennisant ainsi leur manque dans les écoles. Il ordonne aux administrateurs de dresser la liste de ces soumissionnaires gagnants qui n'ont pas encore mis leurs œuvres. Suivez plutôt Léonard Niosaba, gouverneur de Rumonge, traduit en français par Alain Désiré Boukenet. Les marchés publics ont été octroyés, mais aujourd'hui, les résultats ne sont pas satisfaisants. Il y a ceux qui n'ont pas achevé les travaux de construction alors que le délai d'exécution a pris fin, et les autres qui ont mal érigé des infrastructures d'intérêt public. De telles irrégularités se remarquent aussi pour le cas des bancs pupitres. On signale également des marchés qui ont été mal construits sur financement du FONIC. Pour les soumissions concessionnaires gagnants dans les marchés de fabrication des bancs pupitres qui n'ont pas honoré leurs promesses, nous allons requérir un mandat d'arrêt et après, nous donnerons le rapport au ministre ayant les infrastructures dans ses attributions, car ils sont en train de commettre des malversations économiques dans certains établissements scolaires. Il y a certaines classes où les élèves sont assis au nombre de 5 sur un banc pupitre au moment où le gouvernement a déjà subventionné la fabrication des bancs pupitres. On ne peut pas accepter cette situation. Vous, administrateurs communaux, il faut mener des investigations et faire un rapport qui sera transmis au ministre des Infrastructures. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Exactement, que vous ratez l'essentiel si vous n'écoutez pas la radio Isanganiro. Kapa sur Bururi pour parler des employés contractuels de l'hôpital communal d'Ombianda qui réclament leur salaire de 3 mois. Et le directeur Elin Chimilimana, médecin chef de district sanitaire de Bururi, dit que ses employés ne sont pas payés suite à la nomination d'irresponsables de cet hôpital pour d'autres fonctions. Mais il tranquillise ses employés qui seront payés dans une semaine. Zenon Zamimana depuis Bururi. Ces employés de l'hôpital communal d'Ovianda dans la province de Bururi qui réclament leur salaire sont tous des contractuels. Ils grognent qu'ils ne sont pas payés depuis 3 mois et ne sont plus capables de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille alors qu'ils se présentent tous les jours au service. Certains grognent que même leurs enfants ont été déjà renvoyés de l'école pour n'avoir pas payé les frais scolaires. Ces employés de l'hôpital communal d'Ovianda réclament avec insistance leur salaire de 3 mois. Interrogé à ce sujet, Dr. Elin Chimilimana, médecin-chef de district sanitaire de Bururi, reconnaît que ses employés ne sont pas jusqu'ici payés. Il fait savoir que le médecin qui dirigeait cet hôpital de Vianda et qui avait le droit de signer pour que ses employés puissent avoir leur salaire a été nommé responsable d'une autre structure de soins, raison pour laquelle ils ne sont pas jusqu'ici payés. Toutefois, Dr. Elin Chimilimana les tranquillise en disant que même le ministère de la Santé dans cette attribution est déjà au courant de cette situation et a déjà donné l'autorisation à l'ancien responsable de cet hôpital d'Ovianda de signer pour que ses employés puissent être payés en attendant la nomination d'un autre responsable de cette structure de soins et leurs salaires seront disponibles la semaine prochaine, selon toujours Dr. Elin Chimilimana. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Et le diabète est une maladie chronique silencieuse, raison pour laquelle il faut se faire dépister régulièrement. L'appel est du docteur David Nziroubusa, adjoint du directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. C'était ce samedi lors d'un dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. Ceux qui ont répondu présents apprécient positivement cette activité qui les renseigne sur leur santé, disait-il. Les détails avec Mireille Kanyang. Gorette a 58 ans, son mari Elmenegilda en a 61. Ce couple s'est rendu ce samedi au jardin public de Bujumbura et c'est dans l'objectif de voir leur état de santé, dit le mari. Les maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, sont des maladies qui attaquent souvent les gens à notre âge. C'est pour cela que on fait souvent du sport, d'abord pour la prévention, et puis de temps en temps, on fait le check-up pour voir si la santé est toujours normale ou si nous tendons vers la maladie. Comme ça, on prévoit avant que la maladie nous attaque. Méthode Sezirahiga a lui aussi fait le déplacement. Il est diabétique. Il appelle d'autres qui n'ont pas encore cette maladie à se faire dépister régulièrement. Je suis venu pour voir à quel niveau mon diabète se retrouve. Les résultats, je viens d'apprendre que le chiffre est 12. Pour ceux qui ne sont pas encore diabétiques, surtout ceux qui ont un âge avancé, je leur conseillerais de se faire dépister régulièrement pour que s'ils apprennent que les chiffres sont élevés, ils puissent prendre des précautions, notamment la régularité de sport, abandonner ou réduire la quantité de certains aliments qui peuvent compliquer les choses, mais aussi commencer à prendre les médicaments au besoin. Du côté du ministère de la Santé, qui a organisé ce dépistage communautaire du diabète et de l'hypertension artérielle. Docteur David Nziroubusa, adjoint du directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles, rappelle que le diabète est une maladie qui tue silencieusement. Le diabète, c'est une maladie qui fait tellement peur. C'est une maladie qui existe. Et puis alors, on a pensé organiser cette journée aussi pour aussi sensibiliser la population. Donc c'est une maladie silencieuse qui tue silencieusement. Et puis si la maladie est diagnostiquée précocement, donc ça limite les dégâts. Les médicaments contre le diabète sont disponibles dans les districts sanitaires, précise-t-il. Par rapport à la disponibilité des médicaments, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris en compte aussi ça aussi. Donc les médicaments sont disponibles. Donc les insulines sont gratuites. Les médecins chefs de district viennent réquisitionner ces insulines à la Kamebou, comme ils réquisitionnent les autres médicaments. Donc, dans les pharmacies de district, ces médicaments de lutte contre le diabète, de traitement, ils sont disponibles. Au cours de l'année passée, le directeur de ce programme national a fait savoir que le diabète est la troisième cause d'hospitalisation et 30% des amputations qui se font sont liées à cette maladie. Il a en outre fait savoir qu'il y avait recrudescence des cas de diabète chez les jeunes de moins de 25 ans où 923 enfants étaient assistés par ce programme. Cela étant, le 14 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de lutte contre le diabète au Burundi et sera célébré mardi en province Muyinga. Merci Mireille Kanyang pour tous ces détails. Et toujours dans cette page santé, les habitants de la commune Matongo en province Bubanza apprécient positivement le rôle des agents de santé communautaire dans la promotion de la santé, surtout celle des enfants de moins de 5 ans. Toutefois, ces agents déplorent le manque de certains matériels de terrain comme des bottes de pluie et des lampes torches. Damien Boudomo, en charge de la promotion de la santé, hygiène et assainissement dans la commune Matongo, tranquillise que la question a été soumise au ministère de tutelle pour une issue favorable de Mubanza. Patrick Nsengimwa, correspondance. Les habitants de la commune Matongo avec lesquels nous nous sommes entretenus au sujet du rôle des agents de la santé communautaire dans cette commune disent qu'ils apprécient positivement que ces derniers ont participé beaucoup dans l'amélioration de la santé communautaire, surtout celle des enfants de moins de 5 ans. Certains disent d'ailleurs que ces agents de santé communautaire à Matongo interviennent même la nuit en cas de maladie. Toutefois, les agents de la santé communautaire à Matongo contactés font savoir qu'ils éprouvent pas mal de difficultés dans l'accomplissement de la mission leur assignée. Il donne l'exemple du manque des bottes de pluie à usage pendant la période pluviale, le manque des parapluies, des sacoches et celui des lampes torches à s'en servir pendant la nuit. Les agents de santé communautaire à Matongo indiquent également que certains gens de la communauté refusent de leur fournir des informations sur la santé communautaire, les accusant de leur profiter pour gagner de l'argent. Ils demandent que leurs problèmes aient trouvé solution, surtout celui du manque des matériels comme les bottes de pluie, les sacoches et les parapluies et lampes torches. Contacté à ce sujet, Damien Boudogo, technicien de la promotion de la santé, hygiène et assainissement à Matongo, celui-ci nous a fait savoir que le rôle des agents de santé communautaire en cette commune est prépondérant dans l'amélioration de la santé communautaire et surtout la réduction du taux de mortalité infantile. Et quant aux problèmes liés au manque de certains des matériels utiles pour leur travail, ce technicien de la promotion de la santé, hygiène et assainissement à Matongo indique qu'il trouvera solution les jours à venir, surtout qu'il a été soumis c'est le lit au ministère de tutelle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimwa pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengimwa. Et enfin, une partie de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, à partir de l'endroit communément appelé main-d'œuvre, est plein de nids de poules. Les usagers déplorent que la carrière y déposée ne sert à rien que de rendre la route presque impraticable pendant la pluie. Il demande à l'office en charge de la construction des routes de faire le tout possible pour que cet axe routier soit réhabilité, n'est-ce pas, Omer Ndouaïo? Sur la route nationale numéro 9, le tronçon débutant l'endroit communément appelé Mandœuvre jusqu'à la rivière Gikoma vers Bubanza, on y aperçoit des tas de carrières qu'on y a déposées pour aider au débouchage des nids de poules qui menacent au tronçon. Cette carrière paralyse la circulation, se lamentent les usagers de cette route. C'est cette carrière qui est à la base de ces menaces. Sinon, auparavant, on ne se heurtait jamais à la boue. Le débouchement des nids de poules ne dure pas longtemps. Lorsque la pluie tombe, la circulation est paralysée. Nous qui transportons le lait sur des bicyclettes sommes très inquiets. C'est cette carrière qu'on a déposée ici qui menace la route. Quand il pleut, les nids de poules sont pleins d'eau. La carrière se transforme en boue et la route devient glissante. Il plaide pour la réhabilitation de cette route. La réhabilitation de cette route serait priorisée pour nous faciliter le passage. La carrière est entassée dans le tronçon qui est entre le marché du côté boue et la rivière Bikoma. Nous sommes parfois informés que le gouvernement va bientôt réhabiliter cette route. Nous restons en attente. Nous demandons que les travaux de réhabilitation soient programmés d'urgence. Face à cette situation, les différentes autorités publiques parlent déjà du projet de contournement de la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 9, dans lequel se trouve cette partie délabrée. À cet effet, le budget général de l'État, exercice 2023-2024, prévoit un montant de 3 milliards et 50 millions pour les travaux de ce contournement déjà en cours à partir de la jonction de l'endroit communément appelé Kwamuswahili. Merci Omer Ndouayo. Et c'est par cet élément que nous bouclons les boucles de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que plus de 200 maisons sont déjà détruites par des pluies torrentielles en une semaine en commune et mandat de la province de Mubanza. Les propriétaires de ces maisons détruites écrit aux armées charitables. Il a été organisé à mairie de Bujumbura ce samedi un dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. Le directeur adjoint du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles révèle que le diabète est une maladie chronique silencieuse. Vous venez de l'entendre également que les employés contractuels de l'hôpital communal de Vianda, nous sommes dans la province de Bururi, réclament leur salaire de 3 mois. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomungere. Et après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Perpétuité pour l'ancien premier ministre et saisie de ses biens, titre le journal Iwachu, se référant aux réquisitoires prononcés jeudi par le ministère public. La prison à vie ainsi que la saisie et vente de ses 153 villas et 55 véhicules, les autres co-accusés, dont Désiré Ouamahoro, s'en sortent avec une peine de 30 ans. Iwachu écrit que la peine de perpétuité réclamée par le parquet était déjà pressentie. Être accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de complot en vue de changer l'ordre constitutionnel, l'outrage au chef de l'État et les institutions, d'atteinte à l'économie nationale, etc. La condamnation ne pouvait être loin d'une servitude pénale à perpétuité pour celui qui se faisait appeler Mutama II. Iwachu rappelle que Bunyoni était le deuxième homme fort du pays du temps de feu président Pierre Nkurunziza, le Mutama I. Visiblement, l'accusé n'a pas été surpris. Seulement, il a appelé la cour à ne pas tenir en compte les demandes du parquet. Pour Désiré Ouamahoro et Samuel Destin Fumukeko, accusés de complot et de divulgation du secret professionnel, ils affirment être surpris, disant que dans tous les PV et procès, ils n'ont jamais été interrogés sur ce soi-disant complot en vue de changer l'ordre constitutionnel. Pour les quatre autres, dont deux policiers, un ingénieur en construction et le chef de colline Mouboné, la peine réclamée a été de 30 ans d'emprisonnement ferme. Là aussi, ces co-accusés demandent qu'ils soient blanchis et libérés. Éducation à présent avec la voix de l'enseignant qui écrit que les enseignants d'Omutimbuzi s'engagent par écrit. Un conseiller à la direction communale de l'éducation de Mutimbuzi, province scolaire de Bujumbura, a déclaré, je cite, « Cet acte d'engagement a été élaboré pour contraindre les enseignants de respecter la déontologie professionnelle, de s'acquitter convenablement des tâches liées à leur cahier de charges et enregistrer de meilleurs résultats. » Fin de citation. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, un éducateur qui venait de retirer l'acte d'engagement n'a pas épousé ces explications et regrette que les autorités scolaires sous-estiment les enseignants et d'ajouter que ces chefs hiérarchiques leur prêtent de mauvaises intentions comme quoi ils contribuent à l'échec des élèves. Un autre qui avait signé l'acte d'engagement ne cache pas son indignation. Ce n'est que pour surcharger le pauvre enseignant. L'objectif de bon résultat ne sera jamais atteint tant que le niveau des apprenants restera comme il est. La note du concours national prônant la promotion collective et les enseignants réduits à de simples exécutants qui encaissent des frustrations. Ces enseignants plaident plutôt pour la concertation avant de prendre des décisions, car, disent-ils, qui force fausse. Au vu de la presse. Le gouverneur de Changhuzo plaide pour une aide aux travaux d'achèvement de la construction de l'hôpital Mishiha, écrit l'agence burundaise de presse. Au cours des travaux de développement communautaire effectués par les caravaniers du flambeau de la paix, mardi 8 novembre, le gouverneur a profité de l'occasion pour demander au gouvernement de continuer à appuyer pour que cet hôpital soit achevé dans les délais. Boniface Wanyezako précise que les patients référés font un long trajet vers l'hôpital Murore de Gisagara, rappelant que l'idée de création de cet hôpital est née suite à l'augmentation des cas de paludisme. Maman, un mot difficile à dire pour les hommes, un blogueur de Yaga revient sur ce mot si court mais cher et finalement difficile à prononcer chez les hommes matures. En dehors du cadre familial, certains hommes peuvent ressentir un certain malaise lorsqu'ils appellent leur mère « Mama » ou « Mawe » et leur père « Papa » ou « Dawe ». Moi, je ne l'appelle plus. Si j'ai besoin de m'adresser à ma mère, je vais directement la trouver et j'enchaîne sur ce que je dois lui dire, confie un jeune homme d'Ngozi. Dire « Mawe » ou « Mama » serait donc perçu comme infantilisant, surtout si vous êtes un homme. L'on se moquera de vous en ces termes. Ekada, namugabaguma vugango mama change papa. Un homme mature ne dit pas mama ou papa. Les citadins ne sont pas épargnés et ont trouvé une échappatoire. La mère n'est plus Mawe, elle est baptisée Mutamakazi. Le père, appelé jadis Data, est surnommé Mutama. Wa pina Mawe, at least mère change vieux, dit Florian en rigolant et à Yaga de s'interroger. Pourquoi certains hommes burundais ont-ils tant de mal à exprimer leur affection envers leurs parents de manière ouverte et affectueuse? Dans la culture burundaise, les hommes sont considérés comme forts, résilients et protecteurs de leur famille. Recourir à des termes affectueux pour leurs parents serait signe de faiblesse ou de manque de maturité. Ainsi s'achève cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Alain Désiré Bokeneza. À la prochaine. Revue de la presse.